Bonjour, ici Mario Fortin, maire de la ville de Normandin. J'aimerais souhaiter à l'équipe junior Les Éperviers de Normandin un joyeux 25e anniversaire. Je tiens également à remercier les fidèles supporters ainsi que les nombreux commanditaires qui, depuis plus de 25 ans, supportent cette équipe qui fait la joie des Normandinois et Normandinoises. Bravo également à toute l'équipe de bénévoles qui travaille sans relâche au succès des Éperviers junior 2A. On va parler de golf. C'était les assemblées générales des clubs de golf de Saint-Prime et de Dolbeau-Mistassini en même temps hier. Et on va aller faire du côté de Saint-Prime pour voir un peu comment a été l'année 2018. Très, très belle année. On parle avec le président. Président qui ne sera pas le président l'an prochain, Martial Bouchard. Salut, Martial. Salut, Zane. Martial, écoute, ça a été une année exceptionnelle l'an passé. Quoique, on dira ce qu'on voudra, il faisait peut-être trop chaud. Oui, c'était exceptionnel. Par contre, la chaleur, à 2h l'après-midi, pas sûr que ça nous tendait à jouer au golf. Oui, effectivement. Ça a sûrement baissé un petit peu l'achalandage. Ça fait qu'on a eu du froid un petit peu au début, manque de pluie pour la beauté du terrain. Mais par contre, ça s'est bien résorbé. Et puis évidemment, là, juillet, août, c'était un petit peu chaud pour pratiquer le golf. OK. Dis-moi, comment que ça a été? Ben, ça a bien été. Nous, on a eu à peu près là, 14 500 parties qui se sont jouées sur notre terrain. Et puis, on a quand même, au niveau financier, réussi à faire, une perte de 23 000 $ sauf que compte tenu de l'amortissement, on aurait plutôt fait là, un profit de 25 000 $ Donc, ça, c'est intéressant, parce qu'on sait que l'amortissement, c'est pas des liquidités qui partent. Donc, les liquidités du club sont encore en bon état. OK. Donc, c'est quand même très, très intéressant. Ça veut dire que c'est joué plus de parties de golf? Je te dirais pas plus, mais tu sais, on a fait une gestion quand même assez serrée des dépenses. Les revenus sont un petit peu plus bas que ce qu'on avait prévu. Mais par contre, là, au niveau des dépenses, là, on a fait attention. Gestion du personnel, etc. Donc, là-dessus, je peux dire que M. Caron nous a fait tout un travail, notre directeur général. OK. Dis-moi, Martial, est-ce que avoir été un beau mois de septembre, parce qu'il faut se le dire, là, on a eu autant qu'on a eu un bel été, autant septembre, c'était pas fort, là. Ah oui, septembre, on coupe complètement en deux, si pas en trois, ce qu'on a connu en septembre 2017. Et si ça avait été de ça, on aurait peut-être réussi là, à arriver au moins à zéro. Mmh. Oui, effectivement. Donc, c'est juste la moitié, un petit peu plus de parties de golf ça aurait été en septembre, puis ça aurait été bingo encore. Là. Ah oui, ça aurait été extraordinaire. On a profité aussi durant la saison, on a fait quand même l'acquisition de voiturettes pour se rendre un petit peu plus autonome. On a encore des projets de faire d'autres acquisitions. On a finalisé tous nos travaux de manicure de terrain, on a refait un petit peu le terrain de pratique. Donc, on a quand même fait des beaux travaux à l'automne, là, ce qui fait que ça promet pour le début de saison l'an prochain. Qu'est-ce que, là, avec un surplus de 25 000 $ qu'est-ce que vous allez faire? Moi, on me dit, là, Martial, que c'est sûr que ça va être une nouvelle administration. On me dit que je suis pas un joueur de golf, là, mais ce qu'on me dit là-bas, c'est que le terrain laisse à désirer. Est-ce que c'est vrai? Tu parles de quel terrain, là? Le club de golf de Saint-Prime. Pas le nôtre, certainement. Non, nous autres, on a du travail à faire un petit peu dans nos trappes de sable, là. Ouais. Mais chier du terrain, évidemment, au début de saison, les verts étaient pas beaux. Mais évidemment, ça prend de la chaleur puis de l'eau, là, pour des verts. Puis on avait ni la chaleur, puis on avait ni l'eau. Ce qui fait que ça a été presque à la fin juin avant qu'on ait des verts, là, à hauteur de nos attentes. On a travaillé tellement fort pour avoir des beaux verts. Mais il reste qu'un coup que le problème de verre a été réglé, là, on a un des beaux terrains, je te dirais pas dans la région, je te dirais dans la province, là, au niveau de la qualité, des allées, le design, etc. Donc, oui, c'est sûr que le design... Non, okay. Ouais. Moi, je pense que souvent, la carte de visite, c'est les verres. Puis, parce que les verres n'étaient pas beaux au début de saison, mais le terrain comme tel là est excellent. On a même traité... des parties là, pour le trèfle, alors qu'on les gens se plaignaient qu'il y avait du trèfle un petit peu gros. Ça a parti également. Donc, non, ça, on est rendu... c'est pas rien avant tout de monter le terrain à nos visiteurs. La bactérie sur les verres, est-ce que vous l'avez traité, ça? Oui, Oui, tout. On fait affaire avec un agronome là, de l'extérieur qui a un contrat pour nous aider là, à protéger okay. justement les vers contre certaines maladies. Là. Et puis ça on fait ce qu'il faut. Là. On dit que ça, c'est une priorité. Là. Aussitôt que les vers ont besoin de quelque chose, là, on investit pour régler le problème le plus tôt possible. Okay. On a également remboursé la totalité de la dette au cours de l'année. Là. Ce qui fait que là, maintenant, là, on a zéro dette, sauf une petite dette pour les nouveaux cars qu'on a acquis, là, mais ça, c'est une chose aussi qui va nous redonner une petite marge de manœuvre, puisqu'on n'aura pas de frais d'intérêt pour l'année 2019. Donc, parce que là, tu ne seras plus président à partir de l'an prochain, c'est Yannick Baillargeon qui va être président. Effectivement. Donc, Yannick Baillargeon hérite d'un club de golf en santé, c'est ça que tu es en train de me dire? Ben, c'est ce qu'on pense. Ouais. Nous, comme conseil d'administration, on avait un mandat, dans le fond. Moi, quand je suis arrivé il y a 4 ans, j'avais deux rêves. Là. Un, c'était de prouver que ce club de golf-là est capable de s'autofinancer, avec l'aide, évidemment, de la MRC puis de la municipalité, comme on a eu une couple d'années. Mm. Et puis, le deuxième rêve, c'était d'avoir une cotisation là, le plus bas possible. Et malheureusement, on n'a pas été capable de se rendre à cette deuxième partie-là, en bas de 1 000 $ finalement. Okay. Par contre, pour nos nouveaux membres, on lui garantit là, un montant de 999 $ pour les 3 premières années. Donc, on peut dire qu'il y a une partie de réaliser. OK. Dis-moi, évidemment, la vente de terrain, c'est pas mal ça qui a fait en sorte que ça a sauvé le club. Ah ben oui, faut pas se ça, c'est-tu tout vendu, ça, en passant? C'est-tu tout vendu, ça? Oui. Il nous reste un terrain maintenant à vendre. Okay. Par contre, c'est comme c'est de l'argent en réserve, finalement, ce terrain-là. Ouais. Donc, il était presque vendu, mais pour toutes sortes de raisons. Ça s'est pas fait là au cours de l'automne. Mais c'est une question de temps. Là. Il y a de la demande en masse, mais sauf que on a traité avec des gens, puis ça s'est pas conclu. Ce qui fait que là, les gens intéressés, ben on n'a pas eu encore on les a pas recontactés, mais ça va se faire pas tard là au début de l'année. OK. Dis-moi, du côté du directeur général, on sait qu'il y a eu Gilles Larouche qui était là au cours des dernières années. Roger Caron a pris sa relève cette année. C'est avec lui qu'on a fait des chroniques. Ni un ni l'autre vont être de retour, c'est ça? Je te dirais pas ça. C'est qu'il y a un nouveau conseil d'administration qui s'est formé. Il y a encore d'ailleurs 2 postes à combler au nouveau conseil d'administration. Il y a 2 postes qui sont restés vacants. Donc, je pense que c'est le nouveau conseil qui va décider là, de quelle façon ils veulent considérer. Nous, on sait qu'on avait un contrat d'un an avec le directeur général actuel, qui est M. Roger Caron. Okay. Maintenant, ça va être au conseil d'administration de voir si on renouvelle avec M. Caron ou s'il va avec un appel d'offres pour se trouver un directeur général pour les 3 ou 4 prochaines années. Là. Marcel, tu retiens quoi en terminant de ton passage à la présidence du Club de golf? Ben, j'ai réalisé que, quand même, c'était d'occupation, un club de golf, là. Ouais. Tu sais, comme, quand t'es juste joueur, que t'es pas administrateur, tu sais, tu t'en vas jouer, tu joues ta partie, puis tout a l'air à bien aller, là. Par contre, là, lorsque tu t'impliques, là, tu t'aperçois que c'est beaucoup de détails, beaucoup de choses à régler, faut vraiment s'occuper de tout pour que ça y aille bien, la qualité du terrain, ben, faut y voir, le suivi des commentaires de nos visiteurs aussi, chaque membre a son opinion sur certains éléments, donc faut vraiment gérer là la majorité parce que on peut pas contenter tout le monde. C'est un club de golf, chacun a sa vision. Ouais. Mais par contre, je m'aperçois ce que j'aime, c'est le bénévolat qui se fait à Saint-Prime là, c'est extraordinaire. Toutes les heures, les membres ils tiennent à le club de golf, posent des questions, sont intéressés. On a eu des dirigeants tellement engagés, et puis là, obligé de t'en nommer une, Mme Hélène Laflamme, là, qui a travaillé avec moi au cours des 4 dernières années. Là. Je pense que si le club est rendu là, c'est que Hélène y a laissé sa marque. Et je pense qu'elle va manquer beaucoup au club de golf. Là, mais comme je la connais, je sais qu'elle ne se tiendra pas trop loin des nouveaux administrateurs pour leur donner un coup de main. Hey, Martial, il y a une question que je suis en train d'oublier. C'était une question très importante. Oui? Je viens d'allumer. Là. Les Green Fee. Est-ce qu'il y a eu plus de parties cette année de Green Fee? Ou encore, il y a eu plus de membres cette année? Il y a eu plus de parties. Je ne l'ai pas en nombre de parties. Okay. Mais je sais qu'au niveau c'est plus payant, c'est pour ça que je te pose la question. Les parts journalières. Ouais, c'est plus payant. Au niveau des dollars, les parts journalières ont dépassé la part des membres. C'est ça, c'est ça fait 2 ans que c'est un peu comme ça. Là. C'est que il y a un petit peu plus que 50% des revenus qui proviennent de nos premiers journaliers, donc nos visiteurs. Et ça, c'est encourageant parce que nos membres, on sait qu'on a comme une stabilité, puis je dirais même que on a des nouveaux membres, sauf qu'il y en a qui quittent à peu près le même, même nombre par année. Mais par contre, au niveau de l'agendage, je pense que les visiteurs, si le bouche-oreille continue, puis les gens viennent nous revoir ou nous revisiter, ben, je pense que c'est une belle opportunité pour la pérennité du club, donc d'y aller avec les visiteurs, parce que ça, des visiteurs au Lac Saint-Jean puis dans la région, il va toujours y en avoir. Effectivement. Puis c'était une belle année aussi de ce côté-là cette année. On me dit moi que c'était une très très belle année. Tu sais le beau temps. Oui, ton niveau touristique, ça a été super bon. Oui. Il y a une autre chose aussi qu'il faut. Oui, ah ben oui, tu peux y aller avec le beau temps. Ouais. Non, je disais qu'il y avait quand même au niveau des opérations du club quelque chose d'intéressant aussi, c'est que bon, les liens se sont vraiment resserrés avec les clubs voisins. Mm. On parle de Chibougamau, Saint-Rédéon et surtout d'Olbeau, où on voit que de plus en plus on s'approche, de plus en plus on s'échange des trucs et on veut travailler le plus possible ensemble. Ça fait qu'éventuellement, là, c'est pas pour le niveau du tourisme, là. Peut-être qu'au niveau des clubs, il y aura quelque chose d'intéressant à faire ensemble. Effectivement. Martial, ça me fait un peu de peine de te quitter, que tu quittes la présidence, puisque je t'avais comme client à la Caisse populaire, là je t'ai plus, là, je t'avais comme président en tout cas, là je t'ai plus là non plus. Repose-toi bien, passe de belles fêtes. Je sais que tu as des petits problèmes de santé, puis on s'en reparle peut-être dans un autre mandat quelconque. On verra. Merci, Denis. T'es bien gentil. Donc, Martial Bouchard, qui était le président du club de golf de Saint-Prix.